qu'est-ce que tu fais, ouais, de ta villa dans les montagnes? J'ai écrit tout ce que je dis, même cela-ci. Je voulais pas croire à leurs histoires de francs-maçons et de vieux cons. Tu vois quand viens-tu, quand ça vient-tu? Là tu les vois qu'il y a que des cons, qu'il y a que des cons, qu'il y a des cons dans ce pays. Si tu crois pas ce que je dis, si tu crois pas, moi je te le dis, qu'il y a que des cons, qu'il y a des cons dans ce pays, qu'il y a des cons, qu'il y a des cons dans ce pays, qu'il y a des cons, je te le dis. Yeah.